Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosécrans.com. Alors que vous entendez sûrement derrière moi la douce voix de Juice Newton, nous allons vous parler de Deadpool, le film sorti mercredi dernier, le 10 février, sur les écrans français. On avait commencé l'année précédente également avec un film de la Fox, Kingsman, qui avait plutôt séduit tout le monde. Donc on va voir si pour la Fox, le fait de se placer en début d'année en ce qui concerne les adaptations est un bon signe, ou si cette fois, ils auraient peut-être dû s'abstenir. Je suis Mathieu, et vous allez écouter sur nos écrans. Avec moi ce soir, Arnaud. Salut. Clément. Salut. Rich. Salut. Et Léo. Hello. Et Elodie par commentaire écrit interposé. Personne ne dit bonjour de sa part, c'est dommage. Bonjour. Quelqu'un veut l'imiter, bah voilà. C'est bon, c'est fait, on l'a eu. C'est quelqu'un dont le prénom commence par un C qui a livré cette merveilleuse imitation. Elodie, tu seras heureuse. Elle sera contente, hein, de... Si tu veux lui casser la gueule, c'est en Normandie que ça se passe. Léo, on a de l'image en vous. Ah, oh, t'es normand, ça va. Certes, c'est un défaut, mais quand même. Oh, je t'emmerde. Allez, la vache normande va. On va parler du film Deadpool. Comme vous l'entendez, on est plutôt en forme ce soir. Ouais. En tout cas, je le suis. Je vais vous demander, c'est la tradition maintenant, de vous dire, de nous dire, de dire à tout le monde, si oui ou non vous avez aimé ce film. Et c'est tout, voilà, sans entrer plus dans les détails, est-ce que oui ou non vous avez passé un bon moment avec Deadpool, ou est-ce que les craintes qu'on exprimait ces dernières semaines se sont peut-être révélées fondées? On va commencer dans l'ordre alphabétique, comme d'habitude. Et c'est toi, Arnaud, qui commence. Bah, moi, j'ai adoré. C'était génial. Certes, il y a des défauts au niveau de l'histoire, tout ça, mais on n'en a strictement rien à foutre. On passe tellement un bon moment avec Wade Wilson et Deadpool que on met de côté les défauts liés à l'intrigue, enfin au scénario qui peut tenir sur un timbre poste. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était vraiment génial. Et juste pour la performance de Ryan Reynolds et l'alchimie avec Morena Baccarin, ça vaut vraiment le coup. Clément. J'ai adoré aussi, donc je me suis marré tout le long du film, c'était exactement ce que j'attendais de Deadpool. Honnêtement, je sais très bien que le scénario, j'en n'y en a pas, mais honnêtement, je m'en branle parce que je me suis émarré pendant 1h40. J'ai eu je voulais avoir l'impression de lire le comic, c'est exactement l'impression que ça m'a donné, et Ryan Reynolds a juste assuré totalement en Deadpool. Voilà, il y a le Deadpool d'avant qui était dans un certain film qui n'a jamais existé, c'est Deadpool adapté comme on le voulait, quoi. Enfin, comme je le voulais en fait. Elodie. Je vais pas l'imiter par contre, mais. Je crois qu'elle a drôlement changé. Dans l'ensemble, elle est du même avis que moi, le scénario il mériterait plus de profondeur, mais elle adore l'alchimie entre les acteurs, surtout entre le duo romantique principal. Même si elle trouve que la seconde partie est moins rythmée, elle trouve que ça baisse en rythme et en intérêt. Mais dans l'ensemble, elle a beaucoup aimé. Iris, je sais pas comment je dis. J'ai vu le film deux fois, comme vous le savez. La première fois, je me suis totalement éclaté. J'ai trouvé le film vraiment bien. Je me suis bien marré. Donc oui, c'était un bon film, très bon film. La deuxième fois, c'était un bon film, mais j'ai trouvé un peu des longueurs où j'attendais. Il y a une partie où je m'ennuyais un peu. La preuve, je suis même allé aux toilettes à un moment. D'accord. Ouais. Sacrilège. N'importe quel film. N'importe quel film, c'est un sacrilège. En plus, ouais. Tu l'as fait en VF. Ouais, je l'ai vu en VF. La première fois, c'était en VO. La deuxième fois, c'était en VF. Et je trouvais voilà, qu'il y a une partie qui est un peu molle. Ouais, il y a un problème de rythme. En général, c'est un super film. C'est génial. Je me suis bien marré. J'ai bien rigolé. Mais j'ai quelques bémols dont j'en parlais tout à l'heure. Léo. Globalement, j'ai pas changé grand chose à l'original. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Je me suis énormément marré le long du film. Idem, je trouve qu'il y a quand même peut-être des choses à dire, mais je pense que c'est aussi c'est pas seulement intrinsèque au film, c'est aussi intrinsèque à tout ce qui s'est passé autour et tout dont on va parler. Mais globalement oui, j'ai vraiment beaucoup aimé quoi. Ryan Reynolds a ramené son personnage, il en a fait ce qu'il voulait. Enfin, on sentait que c'était un vrai gros projet qui lui tenait à cœur et il nous l'a bien retranscrit. Donc moi, je suis vraiment positif sur le film. Faites chier. Heureusement que j'ai pris mes vitamines avant, hein, putain. J'ai adoré. Non, mais qu'est-ce qu'il l'autre, il nous fait un suspense. Quel enfoiré. On était persuadés qu'il était vraiment un enfoiré. Voilà, j'ai franchement aimé. Merde, j'ai perdu mon pari. J'ai franchement aimé pourquoi. Alors, j'ai pas retrouvé le Deadpool des comics. Ça, clairement pas, dans le sens où dans le Deadpool des comics, il y a un scénario. Oui, non, mais ok. Mais j'ai trouvé un Deadpool sans concession et vraiment, il est pire que tout. Il est pire que tous les trailers. La pire blague qu'on a pu voir dans les trailers, c'est peut-être la plus grosse de tout le film. C'est très trash, c'est très violent. J'ai beaucoup rigolé. Il y a deux, trois choses. Voilà, il y a des scènes, franchement, elles sont à mourir de rire. Il y a des choses auxquelles je pense encore. Il y a des images qui hantent quand même. Mais je sais pas. Deadpool avec sa licorne. Des vannes qui résonnent. Et c'est crocs. On parlera tout à l'heure, peut-être à la fin, on se fera un petit top de des meilleures vannes qu'on a. Ah ouais, c'est bien ça. Un truc que je trouvais vraiment, vraiment bien dès le début du film. C'est que dès le début, on l'a déjà en Deadpool. Ce qui fait qu'on n'a pas ce temps où on est assis en se disant bon, c'est quand qu'il devient, c'est quand que la transformation a lieu, c'est quand que. Par exemple, ce qu'on a eu sur Fantastic Four, où pendant une heure, on attend bon, les gars, c'est bon là, vous allez dans une votre planète. T'es généreux. Voilà. Donc, vous allez dans votre planète là pour récupérer les pouvoirs. Donc, on entame directement en étant Deadpool. Il est déjà Deadpool, donc on rentre directement dans le perso. Les vannes. Par contre, juste un petit regret par rapport à... Bon, petit regret, mais c'est vraiment pour être un peu dur, mais l'un des points négatifs par rapport à ça, c'est que t'as l'impression de mettre pause en pleine action, comme si t'étais en train de regarder un film et quelqu'un t'appelle et tu dois mettre pause. Justement, c'est Deadpool qui parle au personnage. Mais tu disais, dès le début, on a Deadpool, mais j'irais même plus loin. Dès les premières secondes du film avec le ton du film est donné, quoi. Oui, c'est sûr. Mais moi, je parle pas de la pause par rapport à ça. Je parle de la pause par rapport au fait qu'ils reviennent. Ils reviennent à l'origine, en fait. Non, mais je suis d'accord. Mais à la rigueur, j'avais peur d'une construction trop linéaire et origine d'abord et tout ça. Donc à la rigueur, moi, ça m'a pas plus dérangé que ça. Alors, avant d'entrer dans les détails du film, parlons-en de ce générique. J'ai beaucoup ri en le découvrant. Ouais. Il est plein de clins d'œil à Green Lantern, à Hello Kitty, à plein de trucs. les petits messages, voilà, un film produit par DQ, oui, Simon Kinberg, oui. Avec des spoilers, c'est tout spoiler, on peut y aller. Oui, c'est tout spoiler, oui. Ok, d'accord. La première phrase, elle est la première quand t'as un imbécile heureux, ça c'est. Non, puis je sais plus, un réalisateur surpayé ou un blaireau. Ça c'est très bien, c'est l'esprit, etc. D'entrée, on sait que ça va être réussi du côté Deadpool, crash et de compagnie. Mais il est dégueulasse ce générique. Il est fauché quoi, il est dégueulasse. Enfin, il est un peu dans tout le film d'ailleurs, mais. J'ai l'impression que c'est un générique qui date d'il y a tellement longtemps, quoi. Ah c'est un truc. Non, moi ça m'a pas choqué exactement dans le monde. Mais justement. Non, au contraire, ça change des trucs dégueulasses qu'on va avoir sur les Marvel Studios. Mais t'es plus happé par la prochaine phrase que tu vas avoir. Et donc, du coup, t'oublies un peu le générique. Moi, la première fois, j'ai beaucoup ri, donc j'étais très occupé. Mais quand je l'ai vu une deuxième fois, parce que moi aussi, je l'ai vu deux fois, comme toi, Irish, je me suis rendu compte que c'était un peu cheapos quand même. Ouais. Bah, moi aussi, je l'ai vu deux fois. Et pourtant, non, ça m'a fait le même effet la deuxième fois que la première. Parce que moi, quand tu vois le. Ah, oui, ça reste classique, mais à la rigueur, je trouve le générique, moi, j'ai pas trouvé ce statut, moi, ça m'a fait rire. Et quand tu commences à découvrir que Deadpool tient quelque chose dans la main et en fait, c'est le slip d'un bad guy, enfin, moi, ça m'a fait éclater de rire, mais il y a plein de trucs comme ça, mais c'est pas. Non, moi, je trouve que c'est bien dans le ton de Deadpool qui se veut. Qui se veut se foutre de la gueule des films, quoi. Oui, non, mais c'est en permanence. En permanence. Bah oui, en permanence. C'est tout le temps, c'est tout le temps. C'est la grande force de ce film, c'est que ça garde une intensité du début, du premier mot du générique, de la première vanne à la dernière. Il te garde un rythme et une intensité dans le truc, dans l'enchaînement des punchlines, dans la, enfin, accorder ça à l'histoire, au personnage et tout. Enfin, c'est une ensemble. Et le générique, tant de début que de fin, hein, parce que bon, il y a aussi la fin, c'est toujours, toujours tenu, quoi, du point de vue du rythme. Et même la façon dont le titre a annoncé, avec le gribouillis tout dégueulasse sur sa feuille de papier, I am Deadpool, voilà, ça c'était très sympa. Mais c'est vrai, Léo, que tu as raison, la boucle est bouclée avec le générique de fin, effectivement. Ah bah oui, le générique de fin, il est quand même aussi. Et la licorne, quoi. La licorne. La licorne. La licorne qui touche et qui. C'est bon, on a trouvé mon nouvel animal préféré là. Ah bah oui. C'était pas déjà le cas ? Ah non, c'était des poneys avant. Mais là, la licorne. Dites-vous là, les génériques. Voilà. Voilà. Les génériques étant écartés. Parlons maintenant du film. Je vous propose de parler des acteurs, à commencer évidemment par Morena Baccarin. Évidemment. Elle est la doc dans Gotham. Le docteur Lee Tompkins. J'annonce un truc, Arnaud va dire quelque chose de bien d'une actrice de Gotham. Oui. Bah, c'est surtout que je dis quelque chose de bien d'une actrice de Firefly, donc de Gotham, une actrice précieuse à Joss Whedon. Plutôt Robland aussi. J'aurais bien aimé qu'il fasse une mention à son côté médecin légiste. Il y a une petite vanne là-dessus sur le fait qu'elle soit dans Gotham, ou ça aurait été possible. Le truc a peut-être commencé ou a peut-être été écrit avant qu'elle apparaisse dans Gotham, mais du coup, ils n'ont peut-être pas eu le temps de. Ouais, mais sur le tournage, ils auraient pu l'ajouter. Ouais. En tout cas, ça m'aurait bien fait rire. Mais voilà, c'était un plus, ça aurait été du bonus. Ouais. Moi, je l'ai trouvé hyper convaincante. Ouais, très quoi. Comme dans Gotham, Dani, Léo. Ouais, c'est sûr qu'elle lève le niveau qui est déjà très bas dans Gotham. Hein. Est-ce qu'on peut lui demander de pas parler de Gotham quand on parle de vrais trucs hein? Oh, on peut, moi j'aime bien. Tu croyais que je m'en empêchais, elle est riche. Tu te dis pas, j'aime bien Gotham, j'aime bien qu'il en parle. Donc ouais, Morena Baccarin, ok quoi. Bon jeu, convaincante, bonne alchimie avec Ryan Reynolds. Ça relation entre les deux, ça fonctionne Au tout début, c'est vraiment génial. C'est vraiment au très tout drôle. Début, et puis même dans toutes leurs scènes, quoi. Puis même, enfin, les scènes qu'elle a, quand elle s'en prend un badia et qu'elle le tient par les couilles, enfin, c'est à mourir de rire. Alors, je ne m'attendais pas à voir dans le personnage qu'elle interprète, de Vanessa, une Deadpool bis, parce qu'elle dit quand même des horreurs que je ne m'attendais jamais. Leur première rencontre, quand ils se font une accumulation d'horreur, j'étais violé, moi par toute mes oncles. Ce qui est bien, c'est que c'est pas juste un personnage féminin un peu battu à quelque chose, c'est vraiment un bon contrepoids à Deadpool. Quoi. La blague la plus trash du film vient peut-être d'elle, c'est celle avec Yoda. Yoda et Luke Skywalker. Voilà, tu seras sur ta salope comme Yoda sur Luke Skywalker. Ah oui. Voilà quoi, je veux dire. Ah oui, c'est vrai. C'est assez costaud quoi, et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit elle qui dise un truc comme ça. Mais tant mieux, à la rigueur, parce qu'elle arrive à faire le contrepoids avec Death. Avec Ryan Reynolds, quoi. Voilà. Parlons maintenant de Colossus. Non. Ça ira. Parce que là, il faut ouvrir le dossier quand même. Ah mon dieu. Je connais pas le personnage dans la BD, mais moi le personnage déjà, m'a fait rire. Pas au personnage dans X-Men Days of Future Past. Ah oui, bah ça, c'est ce que j'avais cru comprendre, que celui-là était celui de Deadpool un peu plus fidèle au. Il est surtout un peu plus dégueulasse. Oui. Et c'est quoi cet accent russe dégueulasse? C'est fait exprès, ça. C'est fait exprès. Il y a tellement de vannes contre les X-Men de manière de défoncer tous les projets collectifs, de défoncer tout ce qui a été fait en termes de super-héros un peu cérémonieux, monumentaux de d'habitude, que voilà, Colossus, bon, c'est un peu le gros bad guy avec un accent russe et tout ça. C'est sûr que c'est Surtout qu'on l'a déjà vu avant, il était fin avec un accent américain. C'est ça. Oui, mais dans Deadpool, qui est quelque chose un peu à part, ça se pardonne. C'est sûr que c'est pas le Colossus. Tu prends un X-Men qu'on n'a jamais vu avant, dans ce cas-là. Pardon ? Dans ce cas-là, tu prends un X-Men qu'on n'a jamais vu avant. Ouais, enfin bon. Et même, visuellement, il est assez dégueulasse. Colossus, clairement, c'est... Voilà, quoi. c'est... Il l'a dit, hein, dans le scène générique, il n'a pas de budget, hein, donc bon. Ouais, mais est-ce que c'est une excuse à tout ? Je suis pas sûr. Parce que là, quand même, on aurait pu s'en abstenir. Bref. Défoncer les trucs, moi ça me choque pas, ça fait partie de... Ouais, moi ça me choque. Bon, après, peut-être vous connaissez vraiment le comics, mais... Non, je connais pas. Qu'est-ce que ça vous emmerde d'avoir qu'il a un accent russe ou qu'il non, soit, parce qu'on l'a déjà vu avant et qu'il en avait pas. Ah, donc, d'accord. Ok, par rapport à la cohérence avec. C'est censé être dans le même univers quand même. Ouais, mais bon, si on veut partir, d'ailleurs, il en parle de l'incohérence chronologique avec les X-Men. On est place après. Stewart McAvoy. Ouais, voilà, il y a ça. Avec vous tous, les gars. Donc ouais. du coup voilà, Colossus, c'est pour moi c'est une plantade. Ouais, non, c'est pas... C'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi la logique qu'ils ont eue dans ça. Pour les vannes. Ouais. Je sais pas. Oui, pour faire la vanne de papa. Pour les vannes un petit peu sur une fameuse scène du pont, n'est-ce pas? Ouais, non mais voilà, oui, dans le côté comique effectivement, il fonctionne bien par le décalage qu'il a avec Deadpool, ouais. Mais pour le reste, c'est rien quoi. Ouais. Et alors Negasonic Teenage Unicorn of the Electric Ship. Moi j'ai adoré. Moi je sais pas si vous avez remarqué ça, mais lorsqu'il y a la scène où il y a la fille qui se jette du porte-avions immense, du bateau immense, et elle va atterrir et là il dit attention, atterrissage super-héros, atterrissage super-héros. C'est un héliporteur. Oui, voilà, c'est un héliporteur, portage. Il dit à tes chasses de super-héros, et là, il la tapote un petit peu, et j'adore sa réaction, comment tu putain, me touche pas. Et là, je sais pas si vous avez fait attention à ça, mais regardez son comportement quand il essaie de lui dire, regarde à tes chasses, ça me rire de rire. Par contre, un truc, vu que j'ai vu en VO et VF, un truc que j'ai pas aimé dans la VF, c'est qu'elle a une voix joyeuse. Pourtant, ça colle pas. Ouais, elle a une voix un peu, oui, là, je vois ce que tu veux dire. Elle a une voix un peu. Elle a pas une voix râleuse ou. Ça colle pas du coup avec son personnage, alors qu'en anglais, voilà, quand elle parle, ça la fait chier chaque mot qui sort de ça. Par contre, on est d'accord, Irish, pour dire que le reste de la VF est tout à fait acceptable. Mais c'est. Voilà. D'ailleurs, même, j'étais plutôt bluffé. Ça me permet de comprendre certaines blagues que j'avais ratées en anglais quand j'ai regardé en VO. Ouais, il y a certains trucs que j'avais pas. Je trouve que les blagues sont plutôt bien traduites. Celles qui n'étaient pas adaptables, parce que clairement pas référençables chez nous, ont été, à mon avis, adaptées. Mais tout passe. Voilà, en anglais, ils parlent de Utah, mais dans la VO, ils parlent de Rocheuse. Donc, ils ne citent pas l'État. Donc c'est, dans la VF, pardon. Ils ne citent pas l'État. Non, la VF est vraiment très bonne. Pour une... Non, c'est à souligner. C'est vraiment traduit. De pardon coup, le nom à qui Negasonic. C'est Negasonic. Non, nucléaire, ouais, par contre. Le dernier mot, c'est nucléaire. Ils disent nucléaire. Ouais, mais il me semble qu'après, ils le disent autrement. Mais bon, bref, c'est pas. C'est quoi ce nom, surtout Negasonic Teenage Warhead. Voilà. J'aime bien son costume jaune, par contre. Joli plein d'œil. Bah, même ça, j'aime bien. Il n'y avait pas une réaction, d'ailleurs, de Deadpool par rapport au nom de Negasonic. Si, c'est de sa gueule. On échange. En même temps, c'est le plus cool. C'est pas oui, c'est pas ça. C'est juste, je voulais dire, c'est quoi ce nom un petit peu, je dois avoir complètement what the fuck quoi. Et pourtant, elle existe dans les comics, non c'est... Oui, elle existe. Ouais. Avec ce nom. Oui, je me suis renseigné et tout. Je pense celle qui avait le nom le pire et. Ouais, je pense. Ouais, ça peut être. Mais par contre, la déception que j'ai eue, je pense que ça aurait été bien qu'ils la mettent pas dans la bande-annonce, qu'on la découvre. D'ailleurs, on parlera aussi qu'il faudra qu'on parle un peu aussi de la bande-annonce qui te spoil toutes les scènes d'action que t'as. Hein. Y a rien de nouveau. Il y en a que deux scènes d'action, donc quand même. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, du moment que ça a pas spoilé toutes les vannes. Puis surtout, la première scène d'action sur l'autoroute, c'est celle qu'on a vue dans le test. Oui, les images qu'elle est futée. Oui, la bande-annonce aussi, tu l'as aussi presque totalement. La scène de l'autoroute, c'est presque la seule grosse scène. Voilà. Ah, c'est là que tu vois le manque de budget. On y est très longtemps sur cette scène-là. Après, on passe effectivement sur la scène finale qui est beaucoup plus courte en comparaison. Et c'est la meilleure, je trouve, cette scène. Non, la séquence sur l'autoroute, hein, c'est la meilleure. Ah, oui. Elle est excellente, du début à la fin. Allez, Francis. Non. Ajax. Il ressemble à Nicolas Hoult. Oui, ça m'a un peu perturbé aussi. Mais c'est le Nicolas Hoult du pauvre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Bist fout ici, quoi. Non, il a un peu plus carré, il a la mâchoire un peu plus carrée, il a un air aussi un peu plus constipé que Nicolas Hoult. Et un petit cheveu sur la langue dans la VF. Ah ouais? Je dirais pas cheveux sur la langue, mais il dozote un peu. Il a un accent britannique. Ouais, non, mais là, il y a un petit truc au niveau du. Voilà, il y a un petit chien. Il fait en face à un perso qui est hyper caricatural, quoi. Ah, bah, c'est le méchant qui est là pour être méchant. Voilà, ah, c'est ça. En même temps, ils avaient pas le temps non plus. Ouais, j'ai l'impression qu'il gère bien aussi, du coup. Donc, il rentre aussi dans la caricature avec lui. Donc, Après, pour une origin story, c'est un méchant qui passe tout à fait. Enfin, oui. N'oublions pas que c'est qu'une origin story. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des origin stories, d'ailleurs. Mais voilà. Surtout des bonnes. On va pas parler du premier Captain America. On va parler de Ryan Reynolds maintenant. Alors, est-ce qu'il a bien fait de faire le forcing? Bien sûr, complètement. Complètement. Le mec, il l'a voulu. Ça se voit que le mec, il surkiffe le personnage et qu'il avait qu'une envie, c'était de le jouer, quoi. C'est bien sûr. Puis bon, il a le même type d'humour que son personnage. On a pu le voir dans des vidéos qui passaient. Il a vraiment, vraiment envie de faire ce personnage. Il en est tombé amoureux. Il l'a vraiment kiffé. Il a voulu faire le forcing pour faire le film. Et il l'a fait, quoi. Et c'est un vrai. C'est lui qui fait que Deadpool n'est pas qu'un film. C'est aussi un personnage. Un personnage vraiment, vraiment particulier. Il incarne le personnage à la perfection. Bah oui, c'est pour ça que le film est aussi bien réussi, parce que certes le scénario il est bancal, les autres acteurs, enfin quand tu regardes celui qui joue Ajax, c'est pas non plus le mec qui va avoir l'Oscar demain, mais ça fonctionne bien justement grâce à l'énergie que Ryan Reynolds met dans son personnage. Ah bah c'est sûr qu'avec quelqu'un d'autre sous le costume, je suis pas sûr que ça marche exactement. Il y a une différence dans l'essence et dans le truc dégagé entre un Deadpool et un autre super-héros, quel qu'il soit. Enfin, tu sens plus dans Deadpool un espèce d'amour, tu vois, un peu transcendant qui passe par l'acteur et qui ensuite suit le personnage, plutôt que dans un super-héros, peut-être, à part peut-être Tony Stark, mais par rapport à Captain America, par exemple, je sens moins le courant de l'acteur qui veut prouver. Il y a quelqu'un qui déménage. Oui, mais je sais pas, j'arrive pas à voir qui c'est. Quoi donc ? Il y a un sale bruit derrière toi. Mais... Ah, attends, je répète. À part peut-être pour Tony Stark, tu vois, on sent moins, par exemple, je ne sais pas, chez comment il s'appelle, Chris Evans dans Captain America, cette volonté qu'a Ryan Reynolds de faire passer son envie et son amour pour le personnage, quoi, qui lui permet de faire une interprétation aussi dingue. Alors moi, j'aurais pris n'importe lequel des acteurs Marvel Studios sauf Chris Evans, parce que Chris Evans, il adore Captain America, il est aux anges à chaque fois qu'il le joue, il n'a pas envie de s'arrêter, ça il le dit aussi, et du coup, pour moi, t'as pas pris le bon exemple, parce que clairement. Je pense que Léo veut essayer de dire, enfin, je suis pas sûr, mais on le voit aussi. C'est que, contrairement à Iron Man, quand tu vois Iron Man, c'est autre chose. Il vient pour le fric. Hein. Non, c'est pas ça. Je veux dire, t'as du mal à imaginer. Non, je dis pas non. Mais je dis, quand tu vois Iron Man, quand tu vois Tony Stark en Iron Man, t'as l'impression que le personnage était dessiné en pensant à lui. T'as du mal à imaginer un autre acteur que lui. Et là, pareil, avec Deadpool, comme par exemple, Wolverine, Hugh Jackman s'est approprié Deadpool, Wolverine. Là, pareil, une fois que t'as vu Ryan Reynolds, tu te disais, ça ne pouvait être que lui dans ce costume, quoi. Ben, c'est le cas de tous les personnages bien castés, hein, au final. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas toujours le cas. Peut-être Chris Evans, c'est vrai que c'est moins un bon exemple, mais disons Hawkeye par exemple. Il n'y a pas. Hawkeye, s'il te plaît, quoi. Voilà, c'est pas la même chose. Ok, donc on a fait rapidement le tour des acteurs. On va parler maintenant, je vous propose, de ce qui fait Deadpool dans les comics, de ce que les fans des comics attendaient et de si oui ou non on le retrouve. Son costume. Son costume, d'accord. On va commencer par peut-être ce qui en fait le plus quelque chose de quelqu'un de différent des autres, le cassage du quatrième mur. On a été servi de ce côté-là. Ah oui, c'est génial. Sans que ce soit lourd en plus. Ouais, c'est ça. Ils n'en ont pas trop abusé. Ils l'ont vraiment utilisé à bon escient. Et franchement, c'était vraiment à chaque fois qu'ils l'ont utilisé, c'était vraiment dans les bons moments. Quoi. Ils auraient très bien pu faire quelque chose de beaucoup plus constant. Alors, dans la VF, par contre, il y a un moment, la première fois où il le fait, c'est quand il est assis sur son pont là, et qu'il commence à nous parler. Je me suis dit, merde, on va se taper Franck Dubosc pendant tout le film. Quoi? Ah, c'est pas, je dirais pas que c'est le premier dans la VF, il est là. Hey, j'avais l'impression de. Ah, ouais, d'accord, c'est bien. Pour t'en faire celui, il te dit ça, quoi. Le petit hey, comme Franck Dubosc, et après, pareil, oh, dans l'intonation, j'avais l'impression de l'entendre, et je me dis, oh non. Et au final, après, c'est fini, c'est juste sur cette petite phrase-là où je me dis, oh merde. Et en fait, non. Mais où tu te. Mais sur le pont, c'est pas la première fois. Qu'il... Voilà, c'est pas la première fois. Bon, c'est la première fois, c'est où ça me marque, où ça m'a marqué vraiment. La première fois, c'est tout le début du film, quand il passe de la banquette arrière à la banquette avant, à côté du chauffeur de taxi, et qu'il monte son cul à la caméra, et il dit, pardon, excusez-moi. Oui, c'est vrai. Mais non, avant c'est ça, la première fois qu'il adresse la parole. C'est plus avant marquant. Ça, quand il y a le chewing-gum. Le chewing-gum qui bloque. Oui, qui colle à la caméra. Ouais, voilà. Avant ça, il y a ça. Hein, donc. Mais moi, je trouve l'une des plus drôles et peut-être l'une des plus subtiles, c'est quand le mec, l'agent Smith, là, vient pour le voir et t'as le comique de service qui lui dit, bah tiens, il y a ce mec-là qui veut te voir, il va faire avancer l'intrigue. Oui. Et ça, on s'y attend pas parce que c'est pas Deadpool. Et ça m'a dérangé par contre. Parce que le seul à être conscient que c'est un personnage et qu'il est dans une histoire, c'est Deadpool, c'est pas les autres. Et, le fait que lui vienne dire ça m'a emmerdé. Ah bah ouais, je... Mathieu, oui. Est-ce que tu veux un truc qui va te faire peur par rapport à la VF? Vas-y. Tu sais, celui qui double Ryan Reynolds dans Deadpool, oui. Et oui, aussi celui qui double Corey Stoll dans Ant-Man. D'accord. Il est aussi quoi? Il double Yellow Jacket dans Ant-Man. Eh ben j'avais pas remarqué du tout. Il double qui? J'ai pas entendu. Yellow Jacket. Ah d'accord, ok. Oui, j'avais pas remarqué du tout que c'était. En même temps, Ant-Man est oubliable. La voix est même, enfin pour moi la voix je l'ai même pas reconnue, tu vois. Non, ça m'a pas. Ok. Ouais, tant mieux. Non, je voulais voir parce que bon c'est quand même deux succès différents quand même les deux. Et puis le cassage du quatrième mur, on l'a aussi dès le générique. Ouais. Quand il dit un caméo prévisible, etc. toutes ces choses là. Voilà. Le fameux passage où il raconte son truc linéaire et il s'adresse à la caméra en flashback et il dit tu as double cassage du quatrième mur, quoi. Il en joue complètement, oui. Et tout le temps, quoi. Donc ça pas mal, c'est pas trop présent, c'est voilà, c'est plutôt pas mal. Aussi quand il tombe dans le camion poubelle et qu'il dit bon bah c'est bon, on est à jour. Oui. L'autre chose qu'on attendait avec ce personnage, c'était évidemment la violence, que ce soit visuelle mais aussi verbale. Je pense que pour les deux, on est servi. On en parle de cette scène ultra ultra dégueulasse où il se brise tous les membres en voulant défoncer Colossus. Ouais. J'étais plié en deux du début à la fin, les deux fois en plus, et toute la salle était morte de rire. Ouais. Moi aussi, ça nous a amené le dinosaure quand même, et voilà. Mais c'est la plus dégueulasse qu'à toute fin. Ouais, moi j'ai avant quand il est désin, il y en a un qui vient s'écraser contre le panneau. Ah ouais. Quand les ennemis prennent cher, c'est pour de vrai, quoi. C'est vraiment les têtes coupées qui volent où tu vois bien le morceau de cervelle et tout. Enfin, la main. C'est ça que je parle quand même. Et il fait un fuck à Colossus. C'est ça. Il se coupe la main, il dit oups. Vous avez vu 127 heures. Oui. Spoiler. Et après, la main, et le mec, c'est juste un gros doigt d'honneur. Mais alors, ça, c'était. Non, mais quand je disais la plus dégueulasse, c'est à la toute fin. Vous avez pas. Bon, c'était une blague, vous n'avez pas relevé, mais c'est quand avec sa copine, il s'embrasse et tout. D'accord. Oui. voilà. Il y a aussi ce moment où il transperce trois têtes avec une balle qui est très graphique aussi. Ah oui. Visuellement, c'est tellement beau visuellement dans l'enchaînement de la scène. Avec les numéros des balles, c'est. Ça, c'était une belle trouvaille. Hein. Ouais, ça, j'y avais absolument pas pensé, franchement. C'est original. Et puis le fait qu'il nous incite à dire on fait le compte à rebours, il compte avec nous, tout le monde. Ouais, c'est aussi très drôle parce que moi, quand j'ai vu ça la deuxième fois. La première fois, j'avais pas vu venir, mais je veux dire, le fait, les balles, quand il dit, bon, j'ai que 12 balles, quand tu vois la première fois, ça te fait, mais la deuxième fois, avec notamment le sac, quand il oublie le sac de munitions dans le deck. Mais c'est autre chose, ça, c'est à la fin. C'est à la fin, mais tu te rends compte que c'est lié au début, parce que dès au début, il oublie déjà le sac de munitions, et c'est pour ça qu'il se retrouve. Ah oui, bon, enfin, il oublie le sac de munitions, c'est parce qu'ils ont pas de budget aussi. Et on en parle. Mais du coup, ils ont trouvé un truc plutôt vachement intelligent. On en parle de sa scène avec le taxi, il a rendu. Ah oui, Dopinder. Ouais, Dopinder, il est bien. Hein. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Génial. Avec son cousin Guntu. Ouais, avec son cousin. Du coup, je lui ai dit non, mais fallait pas faire. Je suis très fier de toi. Et mais moi, la scène, le mec qui ramasse toutes les armes, qui les fout dans la salle. Stop, il y a un écho. Ouais, c'est pas moi. C'est pas moi. Pas moi. Je m'entends plus du coup. Bah ouais, bon, je peux y aller. Moi, je disais la scène où il ramasse toutes les armes. Ah bah, c'est revenu. L'écho est revenu, je trouve. Hein ? Oui, il est revenu. Ah, vas-y, refais, c'est pas grave. Troisième. Donc, je disais la scène où il ramasse toutes les armes. Ouais. Et il met tout dans un sac pour aller sauver sa copine et il l'oublie dans un sac. Hello Kitty. Il met dans un sac dedans son Hello Kitty. Mais alors, d'ailleurs, il y a un genre de faux raccord là, hein, parce que c'est pas un sac Hello Kitty. Oui, voilà, exactement. Après, ça vient. Oui. Il y a la montre aussi. Et d'ailleurs, le sac Ah oui, la montre Adventure Time. Hein. La montre. Ah non, ça, là, j'étais plié de rire. Ça m'a tué. Donc voilà, l'humour fonctionne 90% du temps, même 99%. Enfin, ouais, il y a peut-être un truc ou deux qui passe pas chez tout le monde parce que peut-être trop référencé. C'est ça. Mais globalement, ça, sinon. L'histoire de McAvoy et. Exactement, ouais. Ça, tout le monde a compris l'histoire de McAvoy. Voilà. Moi, tout le monde n'a pas compris dans la salle. Non, pas tout le monde. C'est que ma voisine de gauche n'a pas compris. Non, pas tout le monde. Bah, j'avoue, parce que je suis allé avec un pote, après je suis allé avec mon petit frère, à chaque fois, voilà, il ne comprenait pas, c'est quand on dit, bon bah voilà, en fait. Après, c'est vrai que quand tu connais, c'est très bien trouvé, quoi. Mais c'est une des plus fines, donc c'est aussi pour ça que. Ouais. Oui, c'est l'une des plus fines, t'en as après. Puis même la vanne sur Ryan Reynolds lui-même. Oui, voilà, ça c'était énorme. Il y a de la subtilité. À l'appel, tranquillement, quoi. Enfin, ça s'inclut complètement dans le truc, il te la sort comme ça, et puis ensuite il continue. Ouais. Il l'a fait deux fois d'ailleurs. Il l'a fait la première fois sur le pont, quand il parle de Wolverine notamment. Oui, à qui j'ai graissé les couilles pour avoir mon propre film. Ah, et la deuxième fois quand il parle de lui en donnant son nom en plus. Oui, il y a plein de subtilités. L'une des plus drôles aussi où il anticipe directement sur ce que tu vas dire, c'est quand il te dit bon bah qu'ils n'avaient pas les sous pour s'acheter d'autres X-Men. on en parlera plus tard de cette histoire, je pense. Donc voilà, sur l'humour, on va pas s'éterniser. Et voilà, ça marche, tout fonctionne de ce côté-là. La violence, effectivement, du personnage, on l'a. Maintenant, faut quand même parler un petit peu de ce qui fâche. C'est le scénario. Ah bah oui. C'est plat. Il tient sur un ticket de métro. Parce que voilà, Deadpool est, enfin, il est amoureux, la fille est enlevée, il va sauver la fille. C'est ça. Merci d'être venu. Finalement, on s'en fout un peu même de ça, tu vois. Mais sinon, totalement. Moi, je m'en fous. Honnêtement, le scénario, j'en ai strictement rien à battre. Mais t'es tellement accroché au personnage et t'adores comment il est, t'as envie de voir ce qui va se passer, que le scénario, bon, il est basique, mais tu passes tellement un bon moment en compagnie de Deadpool que tu t'en fous. Moi, ça m'embête pour deux raisons. Trois même. La première raison pour laquelle ça m'embête, c'est que c'est un film qui passe son temps à se moquer des autres, mais qui au final ne fait pas mieux. Qu'est-ce qu'il propose de mieux que ce qu'il reproche aux autres ? Rien. La deuxième, c'est que quand on revoit ce film, voilà, c'est pour ça que je suis retourné aussi le voir une deuxième fois, je me suis dit, est-ce que c'est un film que quand tu le vois la deuxième fois, tu l'apprécies autant ou est-ce que tu vas pas un peu t'emmerder parce que finalement tu connais les blagues et qu'une fois les blagues et la surprise de ça passées, bah il reste plus grand chose. Et moi c'est ce qui m'est arrivé. C'est l'inverse. C'est exactement ce que je disais au début. J'ai encore plus apprécié la deuxième fois parce que justement en le voyant la première fois, j'avais tellement peur que on ait tout vu dans la bande-annonce et que du coup ça fonctionne plus, même les blagues, que j'étais un peu à cran chaque fois qu'une scène, enfin une scène se terminait, une autre s'enchaînait, j'avais tellement peur qu'il y a une rupture d'un seul coup que ça fonctionne plus. Et du coup j'ai beaucoup plus apprécié la deuxième fois où je savais que j'avais adoré le film, je savais à quoi m'attendre et du coup j'ai pu vraiment me laisser bercer par sa folie et j'ai encore plus apprécié la deuxième fois et je me suis pas du tout ennuyé. Ah ouais. La deuxième fois, moi, j'attendais que les blagues. Hein. C'est ça. En même temps, tu l'as vu en VF. Ah, ça y est, le dinosaure. Ah non, c'est même pas. Bernadette, voilà, il y avait tout arrivé. Quoi, voilà. Et même pour te dire, entre quelle partie ? Entre le début, les scènes d'action du début et la scène de fin, y a, entre les deux, il y a vraiment qu'un seul gros truc que j'attendais parce que j'étais plié de rire, c'était quand il tape une fille et à un moment il s'arrête et dit bah je suis désolé, je sais plus est-ce que c'est ce que je dois frapper les femmes. Voilà, exactement, c'est sur toute la longueur du film, pardon, sur toute la partie milieu du film, c'est le seul truc qui vraiment me tenait vraiment en alerte. Et du coup, moi, voilà, il est hyper feignant. Il est hyper feignant pour moi. Enfin, Oui. le scénario, il est Oui. plus que basique. Oui, bien sûr. Et Mais ce qui dis-moi. m'embête en troisième lieu, c'est que ce film-là cartonne. Alors, c'est bien de nous le présenter avec une histoire simple, voire pas d'histoire, machin, tout ça, de nous surprendre et machin. Mais le problème, c'est qu'il a cartonné comme ça, et j'ai très peur pour le deuxième. Qu'est-ce Oui. qu'on va pouvoir nous mettre? Est-ce qu'on va nous raconter vraiment une histoire dans le deuxième? Parce que là, il va falloir le faire. Ça Moi, marchera ça plus la surprise, ça marchera plus de nous attraper avec des choses qu'on n'attendait pas, tellement c'est trash, tellement c'est voilà. Il va falloir nous raconter quelque chose, et avec les mêmes scénaristes, eh ben, j'ai un peu peur. Bah, si je peux revenir sur ton premier point et le dernier point que tu viens de souligner, le premier où tu parles, voilà, par rapport au fait qu'il reproche, je vais peut-être dire que il se pose pas en donneur de leçons, donc il n'est pas Ah non, il plutôt en se moque reproche. plutôt. Enfin, voilà, je dis Voilà, reproche, il se moque. exactement. Donc, au final, même Mais s'il fait les mêmes il se moque conneries. de films pourris comme Green Lantern. Là, pour le coup, il n'y avait à la fois aucun scénario dans Green Lantern. Non, dans Green Enfin, Lantern, il y avait beaucoup plus de scénarios que oui, là-dedans. mais ça tenait pas la route parce que justement, ça, le personnage n'était pas fidèle. Hein, donc ça ne fonctionnait pas. Alors que Mais là, au au moins, tu final. as un personnage fidèle et tu peux au moins te raccrocher à ça puisque le scénario bat de l'aile. Hein, mais tu peux au moins te raccrocher au personnage principal, ce qui n'était pas le cas dans Green Lantern. Mais quand si je peux finir bon, comment dire mon Phrase, exposé, on va ton propos. voilà, je veux dire le film en Deadpool en lui-même, c'est un film de super-héros, donc il sait qu'il va contenir tous les clichés de super-héros, et d'après ce que j'ai lu, même à la création du personnage par Marvel, c'était dans cet état d'esprit-là. C'était que ouais, dans les trucs de super-héros, on fait toujours ça, on fait toujours ça, on fait toujours ça, mais pourquoi c'est toujours pareil? Est-ce qu'ils se rendent pas compte? Donc du coup, on va faire un personnage qui est tout à fait au courant de ça, mais ça reste quand même un personnage de super-héros dans un univers de super-héros. Donc j'ai l'impression que ce film-là, donc c'est peut-être aussi une de ses forces, c'est qu'il est conscient aussi de ses défauts. Et pour ton troisième point, bien sûr que aujourd'hui, si on a eu un film comme ça, c'est le manque de budget, c'est à la fois l'une des forces et l'un des défauts. Le manque de budget, c'est ce qui a poussé par exemple, le studio à ne pas mettre son veto, par exemple, à laisser que le film soit classé R. Voilà. Donc c'est justement à cause du manque de budget là qu'ils ont pu avoir certaines libertés, pouvoir faire des blagues, pouvoir faire être imaginatifs parce qu'ils ont pas de, ils ont plus qu'ils n'ont pas de sous. Bon bah système D, on essaie de se débrouiller. Et aussi le fait qu'on n'a pas beaucoup de scènes d'action. Et avec l'argent amassé, la réussite que ça est en train d'être, on va se retrouver avec un film dans la prochaine version où il y aura beaucoup plus de budget et donc forcément un peu moins de liberté par rapport au Moi, je personnage. suis pas sûr au niveau de la liberté. Je pense pas. Non, justement, ils ont vu que justement, s'ils laissent la liberté, ça fonctionne. Bah, moi je prends par exemple le producteur Simon Kinberg, on sait que c'est quelqu'un qui s'implique un peu trop au risque de ruiner. Là, il s'est mis de côté parce qu'il avait pas mis beaucoup. Là, je pense que là il va mettre un peu plus la tête là-dedans. Il va dire bon bah les Il gars, est je vous dans le l'emmène. projet, Simon Kinberg. Oui. Bah ouais, si, producteur. Bah là, il va dire bon bah les gars, vu que ça a super bien marché, je vous en donne beaucoup plus, mais je vais quand même être là parce que voilà, c'est maintenant la nouvelle poule aux œufs d'or. Donc je pense que le côté libertaire, on risque d'en reparler pour les suites, surtout qu'on parle déjà même d'inviter plus pas mal d'X-Men. Oui, enfin, ça reste tout ça que des rumeurs, hein, parce que la Ouais. Fox elle-même n'a pas officialisé la suite, donc Ah, reste que si, des bah, rumeurs. bah si, La tu Fox l'officialises. envoie l'a officialisé en diffusant la scène post-générique. Ah, Bah, bah c'est oui, clair, clair. oui, C'est bien évident. sûr, On en mais de parlera là à après de dire cette qu'il y a des scène-là. rumeurs et compagnie, enfin, qu'on dit déjà C'est qu'il y même a pas des rumeur. X-Men et compagnie. Bah, il t'a déjà annoncé Mais... un X-Men, et je pense, vu, parce que, n'oublions pas, c'est en train d'être un gros succès. On parlait Dans les mags? dans le mag, c'est en train d'être un gros succès. Donc, la Fox, c'est une nouvelle poule aux œufs d'or, et on sait ce que les studios font d'une poule aux œufs d'or. On l'a su jusqu'à la moelle, voilà, les gens vont essayer de se renseigner sur le Justement, personnage. ils Je crois savent pas, que mais ça bon, on marche en est R rated, ils vont pas faire un truc PG-13. Ils Mais. vont pas couper ces libertés, justement, parce qu'ils savent que c'est ce ton-là, irrévérencieux, qui fonctionne. Bah, je ne dis pas qu'ils vont faire ça forcément, mais je dis par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait beaucoup? C'est qu'on va essayer de se renseigner sur le personnage. On va voir que bon, bah, Deadpool, généralement, il est beaucoup avec Wolverine. Ce serait sympa d'avoir Wolverine. Donc, qui dit Wolverine dit un peu plus. Voilà, je sais pas. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver. Je ne dis pas que ce qui va arriver. Mais je pense que l'une des grandes qualités de ce film-là, où il a pu vraiment faire ce qu'il voulait, c'est parce que il n'avait pas beaucoup de budget. Et donc du coup, les studios étaient moins dans le, on va dire, voilà, ils calculaient pas leurs pertes en quelque sorte. Ils calculaient pas ce qu'ils allaient perdre. Ils savaient que ce qui était mis allait être rentabilisé. Jusqu'à quel niveau, on n'en sait rien, on s'en fout, bon, bah, voilà, c'est 10 millions, c'est pas grave, voilà, au moins. Là, maintenant, on sera plus dans ce genre, dans ce même genre d'enjeu, ce sera beaucoup plus élevé parce qu'il y a beaucoup, il y aura beaucoup plus d'attentes, beaucoup plus de gens qui connaîtront. Et donc, l'effet de surprise qu'on a eu là, ça peut disparaître. Espérons que non, mais après, à voir. C'est le problème, c'est que je voulais pas, malheureusement, en disant ça, qu'on passe un quart d'heure sur le prochain film alors qu'on parle de celui-là. Mais vas-y, Léo, si tu veux conclure, et puis après, on passe à autre chose. Oui, juste pour rebondir globalement sur ce que vous avez dit, Eric, chez toi, c'est que en même temps, en effet, le film marche très bien. Ils ont quasiment officialisé la suite après. Limite, les gens avant attendaient une suite dans la foulée de ce film-là. Le problème, c'est qu'en effet, c'est que ça a bien marché là, c'est que c'est totalement irrévérencieux, c'est que ça coupe complètement des canons, c'est que c'est presque à part. Le problème, c'est que la tentation dans laquelle il faudra pas qu'il tombe, c'est de refaire ce même genre de film, quelque chose avec le même genre de van, le même genre d'humour, le même genre de scénario ultra basique dont on parlait, et juste de se contenter de ça, et en effet, d'ajouter l'aspect poule aux œufs d'or et de complètement dénaturer un film qui contrôle lui-même sa propre marginalisation par rapport aux autres projets dont il parle et qu'il critique dans le film. Donc le défaut, le principal écueil à éviter, c'est de pas tomber dans la redite, c'est qu'il va falloir proposer quelque chose de nouveau, et ça c'est pas encore donné, ça. Enfin, il faudra voir. Mais de toute façon, c'est bon. Un qui a le même problème, c'est les Gardiens de la Galaxie aussi. Non, parce qu'il ouvre sur plus de choses. Il y a une histoire plus riche déjà. Oui. Des personnages, oui. Une histoire plus riche. Je parlais dans la réalisation du premier, la façon dont le premier a été réalisé, dans le côté un peu super novateur. Histoire plus riche, bien sûr. Et en plus, on se pose des questions. Qui est le père de Star-Lord, tout ça. Là, on se pose pas. Mais je parlais plus dans le ton, tu vois, dans le ton qui est employé. On s'attendait pas absolument pas à ça. Je l'espérais, mais je m'attendais pas à ça. On était plus que satisfaites. Après, voilà, moi, ce qui m'emmerde le plus, c'est que c'est un film, je sais que j'aurais pas forcément de plaisir à le revoir, parce que je vais, comme tu disais, Erich, attendre la blague, que je sais qu'il va arriver. Une troisième fois, moi, ça va être dur. Peut-être je vais aller voir une troisième fois, mais je pense que ça va être dur, surtout en un laps de temps. Peut-être dans 3, 4 mois, 5 mois, je serais content de le revoir. On va avoir oublié les blagues. 3, 4 voilà. Ans. Je serais content de le revoir, mais là, tout de suite, non, je pense que voilà, c'est comme quelqu'un qui te raconte une blague et le lendemain, il te raconte la même blague. Au hasard, Clément. On sait qu'il aime bien nous raconter plusieurs fois les mêmes blagues. Voilà, c'est ça, c'est un peu peut-être l'un des défauts par rapport au fait de pas avoir une histoire. Voilà. Batman The Dark Knight, je peux le regarder 4-5 fois d'affilée, c'est pas grave, hein, je m'en fous. Non. L'émission de jeu pour un film de 2h30. Du coup, voilà. Scénario, c'est quand même un gros dommage, j'ai envie de dire. Ça. Quelque part, bon, comme le disait Arnaud, c'est tellement dans le what the fuck, tellement dans l'espèce de normaliser l'invraisemblable, le truc complètement décalé, complètement marginalisé, hors des canons, que limite on lui pardonne. C'est un rapport très très très très éloigné avec Mad Max dans le genre, qui lui aussi a un scénario qui tient sur un ticket micro, voire plus petit, et qui globalement fondait tout sur le reste et sur l'esthétique et sur en balancer plein la gueule, tout ça. Bon, là c'est Mad Max. Oui, non, mais c'est différent, tu vois, c'est pour ça que je dis très très éloigné, c'est juste un petit peu dans la forme, pour un peu illustrer mon propos, mais en effet, c'est quelque chose de beaucoup plus différent, dans le sens où c'est surtout Deadpool l'intérêt et le truc principal du film. C'est pour ça, en effet, qu'on trouve que les autres acteurs sont un peu moyens, que l'histoire est pas terrible, voilà. C'est tellement, en fait, un personnage-film ou un film-personnage, comme on veut, que, de toute façon, voilà, ce qui nous intéresse, c'est Deadpool, c'est ses vannes, c'est les scènes d'action, c'est les trucs, et du coup, on est tellement emporté dans cette spirale-là qu'au final, on s'en rend pas compte, on a tellement passé un bon moment, on a tellement kiffé que, on laisse faire, quoi. Mais c'est sûr que ça tiendra pas 3 ou 4 films d'affilée, quoi, même pour un film X-Force ou tout ce que tu veux. Il y a un moment il va falloir un petit peu étoffer le truc. Bah si c'est centré sur lui, je suis d'accord, mais s'il fait partie d'un groupe, d'une équipe, ça peut tenir, mais largement. J'ai envie maintenant de le voir dans une équipe, de pas trop le voir tout seul trop longtemps, parce qu'on va vite tourner en rond, je pense. Parce que le problème, c'est que le fait que ce film marche aussi bien, c'est super pour le studio, c'est super pour Ryan Reynolds, etc. Mais c'est un gros piège, dans le sens où ça risque de devenir le nouveau standard qu'il faut faire pour faire un film de super-héros. Vous allez voir que dans les prochains, on va nous mettre des blagues à gogo. et voilà, c'est aussi un piège. Donc, ouais. À rigueur, le voir dans une équipe et, avec, et apporter ce côté complètement décalé et, ouais, et s'adresser à nous, etc. Ouais, ça, j'ai envie de le voir maintenant. Un 2, où il est tout seul, non. Bah, c'est peut-être ce qu'on avait dans les... Ouais, vas-y Clément, pardon. Si c'est, après, moi, si c'est un deuxième film, ça serait Deadpool et Cable, pourquoi pas, quoi. Enfin, faut pas que ce soit un personnage qui soit tout seul, parce que l'intérêt de Deadpool, je trouve, c'est quand même les interactions qu'il a entre, avec d'autres personnages et dans des groupes. Donc, on le voit avec Colossus, on le voit avec Vanessa. C'est vraiment ce qui est intéressant de voir, c'est le décalage qu'il a par rapport à d'autres personnages. Et on le voit avec un autre personnage dont on n'a pas parlé, qui est Hal. Ah oui, le comique. Mais non, la mamie. Ah oui. Enfin voilà, la relation qu'ils ont tous les deux, elle est extra. Ah, avec la petite main, avec le montage des meubles IKEA, enfin voilà, c'est... Ouais, c'est magnifique, quoi, quand ils ont un dialogue sur les meubles IKEA. Ce qui est génial, c'est il lui dit je t'aime, juste après, il lui dit la chose la plus dégueulasse qu'il puisse lui dire, quoi. Ah oui, il lui dit avec la... Oui, avec la coque. Ouais, la coque, oui, la coque et surtout le remède pour la société. Le remède à la société, ouais. Ah, oui. Ouais, non, voilà, ils ont une relation qui est assez proche. Enfin, c'est assez proche à celle qu'ils ont les comics, j'allais dire, mais non, en fait, pas du tout, parce que c'est tellement pire ce qui se passe dans les comics. Mais tu sais, on parlait justement également du côté trash, mais il me semblait, puisque j'ai regardé le jeu vidéo, j'ai regardé quelques trucs, là, ce qu'on a été fait sur Deadpool, ils ont été quand même vachement gentils sur sa gueule et aussi surtout sur les mutilations corporelles. Oui, son visage aurait été beaucoup plus. Donc côté trash, c'est ils y vont un peu quand même là, parce qu'il faut pas totalement dégoûter les gens. Oui, c'est assez gentil. Après, c'est aussi le budget. Oui, voilà. Puis bon, faut pas exagérer non plus, mais ils sont bien allés quand même dans la grève, quoi. Ils ont juste tapé comme il fallait, quoi, pour dire voilà. Ouais, ça va pas, juste la peau un peu flétrie, hein. C'est pas. Ah non, quand même, il est quand même bien dégueulasse. Hein. Bah, ouais, tu dis qu'il est vieux, il est super vieux, il a 115 ans. Il a juste une gueule de mec qui a vraiment c'est super non, vieux. Je suis pas d'accord, ils l'ont. Ouf, c'est juste qu'il a la peau flétrie, quoi. Moi j'ai eu l'impression qu'ils ont bien. Tu le trouves dégueulasse, Mathieu? Non, alors pas du tout, non. Non, il est pas dégueulasse, mais dans la texture du visage, ça reste assez proche du comics. D'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai lu un peu par-ci, par-là, j'entendais qu'il avait des pus dans la peau. Oui, des pustules, il a la gueule pourrie en fait, il a la peau pourrie. T'as les yeux qui sortent de l'orbite limite ou des trucs comme ça. Dans les comics, il m'est arrivé de détourner les yeux quand je voyais son visage, là non. Bah non. Bref, passons. Éventuellement à la suite. La suite, qu'est-ce que je vous propose pour la suite? Le côté fauché du film. Le côté fauché, mais ça va très loin. Ça va jusqu'à récupérer des images des vieux films X-Men. Ah bon? Ah bah les images du manoir. L'image du manoir, ils ont juste incrusté le vaisseau par-dessus une vieille image d'un vieux film X-Men. Quand ils filment la plaque avec Xavier Institute et machin, c'est une vieille image des anciens films X-Men. Et on le voit, le grain de l'image n'est pas le même. On le voit que c'est des images pas de repris ailleurs. Justement, j'ai senti une petite différence, mais je me suis pas dit. Donc ça va jusque-là. Mais après, ça ne dessert pas l'histoire. Ça ne dessert pas l'histoire, ça n'empêche pas d'avoir une continuité. Et le fait, justement, je pense que tu faisais référence à ça à ce moment-ci quand tu as dit on en reparle. Le fait que même lui, il te le dit, il dit voilà, une aussi grosse baraque, on n'en croise que deux, bon, ils n'avaient pas vraiment beaucoup de pognon. Le masque de Hugh Jackman aussi, ça veut dire on a en masque, on le met parce qu'on peut pas, on n'a pas pu le payer. Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Moi, ça m'a fait le coup du masque, je m'y attendais pas. Parce que tout le monde espérait peut-être le croiser ou le voir, et ben non, beaucoup trop cher. Donc, toutes les vannes sur X-Men, sur l'entrée dans le manoir et dire putain, vous êtes que trois, enfin, vous aviez un problème de budget. Voilà, c'est un film, on le voit à plein d'autres moments, les scènes de combat, notamment autour de Hipporter, elles sont quand même pas. Voilà. Des combats, on voit aussi que voilà, le chorégraphe, ils ont pas dû prendre, voilà, c'était Mia Fry, quoi. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec 58 millions. Surtout aussi quand tu vois que les X-Men c'est 200 millions, il y a quand même un gros manque. ils non, peuvent mais... pas nous permettre. Bon, au final, ça m'a pas gêné. Il y a juste par rapport à un détail que ça m'a vraiment gêné, c'est que t'as pas une grosse scène d'action intermédiaire, en fait. Ouais, ça, la rigueur. C'est pas plus mal aussi, ça fait une pause dans le récit. Honnêtement, voilà, franchement, avec le budget qu'ils avaient, qui était quand même très réduit. Ouais, très faible, oui. Ouais, très faible, ouais. Par rapport à d'autres, enfin, je sais même pas si on peut parler de blockbuster, parce que finalement, c'est pas un énorme blockbuster, et encore, je trouve qu'ils sont, franchement, avec les moyens qu'ils avaient, ils sont quand même bien démerdés, quoi. Bah oui, surtout dans l'utilisation. L'exemple, par exemple, en toute fin, ils ont que 7 mecs, 7 poli, bon, pas policiers, 7 commandos, 7 pour le soldat là pour le commando. Et l'utilisation intelligente qu'il en fait, quand une fois qu'il les a butés, il écrit le nom avec les mecs, tu vois, il en avait juste assez pour épeler le nom de Francis. Ça se voit qu'il n'y a pas de moyen, mais c'est vachement... Non, mais c'est drôle, ça. Oui, c'est ça que je dis, l'utilisation... Justement, le manque de budget, ça leur a permis d'être créatif. Ça a été aussi une force du film, parce que si le film avait duré plus de 2 heures, je pense que ce serait fait chier. À un moment, on aurait trouvé ça trop long et redondant. Donc le budget limité, que du coup le film dure moins de 2 heures, ça aurait aussi été bénéfique. Ça dure moins de 2 heures, ça a pas de budget, ça s'en moque et c'est juste ce qu'il faut, quoi. Ils tiennent. Ouais. C'est là que marche l'intensité, c'est que l'intensité elle doit aussi s'associer avec la durée, et là, il y a eu une bonne alchimie de ce point de vue-là, et ça a permis de garder un film cool, sympa, qui soit jamais trop lourd ou trop. Voilà, où tu sens qu'à un moment, bon bah, ils se sont un peu plantés sur la vanne parce qu'ils en avaient plus ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça aurait été un film de 2h30, on se serait tellement emmerdé. Là, ça tient bien. Le personnage n'a pas l'intérêt d'avoir des films aussi longs. Mais après, attention, ça passe. Là, ils ont beaucoup joué effectivement sur la sympathie de Ryan Reynolds, sur l'alchimie avec Morena Baccarin, sur les blagues, sur le côté surprenant, décalé. Voilà, c'est la première fois qu'on voit ce tel traitement sur un film de super-héros. Voilà, ils ont beaucoup joué là-dessus sur le premier, et c'est à mon avis pour ça qu'on est aussi indulgent avec le film. Ça passera pas une deuxième fois. Ah non, c'est sûr. Non, mais c'est sûr, il va falloir qu'il se bouge le cul pour le 2 et avoir à développer une vraie histoire, c'est sûr. Je serais curieux de voir si on en reparle dans un an ou deux ce qu'on dirait de ce film. Mais après, Qu'on aura toujours autant de plaisir. Hein. Je pense qu'il y aura toujours autant. À condition, comme disait Mathieu, de pas le revoir tout le temps. Dans un an, tu me le ressors, ouais, moi je m'éclate, je rigole. Mais après, je pense qu'il y a un contexte aussi, honnêtement. Je pense qu'on est aussi indulgent avec ce film, c'est parce qu'on a vu la bouse que ça nous. La version bouseuse du personnage, si on peut pas même parler du personnage, de Deadpool dans X-Men Wolverine Origins. Oui, c'est sûr. Ouais, je suis pas sûr que ça joue, en fait. Enfin, si, clairement. Non, parce que vraiment le personnage, pour une fois, qui est. Non, mais juste pour te dire. Et eux-mêmes s'en moquent, puisqu'on voit la figurine dans le film. Non, mais juste pour te dire. Voilà, pour les non-lecteurs, ça ne joue absolument pas. Bah non, c'est sûr, vous connaissez. C'est normal, mais je te parle en tant que lecteur. Ah d'accord, ok. En tant que lecteur, bah franchement, moi j'ai pris une petite... Ça rajoute quelque chose. Et voilà, c'est aussi parce que j'avais en tête le viol du personnage dans X-Men Wolverine Origins était une catastrophe, mais monimentale, c'est honteux. Et franchement, je me suis aussi éclaté devant le film, parce que je suis aussi un genre de vampire, parce que, enfin voilà, ils ont vraiment... c'est une adaptation, une excellente adaptation du personnage, quoi. On aurait pu, moi je craignais voilà une version édulcorée du personnage avec moins de balles, pas de trucs gore, j'avais peur voilà que ce soit un défaut, mais version tout public, quoi. Et je suis aussi en disant avec le film, parce que voilà, ils ont eu les couilles d'adapter le personnage. Ça, on en parle beaucoup de couilles, hein, dans le film. Oui, je suis d'accord, oui. Et moi, par contre, par rapport au personnage des comics, il me manque beaucoup de choses. Il me manque le côté schizophrène, le fait qu'il entende des voix, etc. Ça m'a beaucoup manqué. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Il me manque pas mal de la profondeur du personnage aussi, mais ça, c'est dû au scénario. J'espère qu'il y aura ça dans le deuxième film, mais pour un premier film, moi, j'espérais, voilà, retrouver les caractères, vraiment, mais les généraux qu'il soit, Deadpool. Pas forcément, c'est vrai que j'avais pas pensé au côté schizophrène, mais ça pourrait être drôle, par exemple, dans le deuxième, de voir, comme dans les comics, quoi, de voir un mini Deadpool qui explique ce qui s'est passé avant, quoi. Oui, non, il y a plein. Il y a des possibilités. Après, je suis d'accord avec toi. Hein. Là, les derniers comics, là, on va dire la dernière année et demie de Deadpool en comics, ça nous a bien prouvé que le personnage pouvait être hyper attachant et qu'il pouvait avoir une vraie profondeur. C'est ça. Mais même avec toi. Voilà. Bon. Mais on en reste pas moins que le manque de budget, c'est la force de ce film. Hein. Le peu de budget, c'est une des grandes choses. Oui, non. Oui, non, mais c'est une des choses qui a fait qu'ils ont dû se tirer les doigts du cul, effectivement. On est d'accord. Plutôt que de faire un cahier des charges aussi simple, quoi. Ouais, on est d'accord. Papistan n'y était là ? Ah, je pense que c'est l'un de ses meilleurs caméos. Il est dans la place, j'ai envie de dire. Il est dans la place. Au milieu de ce caméo. Au milieu de ce bar, à filles de mauvaise vie. Mais un bar à pute, tu peux dire. Soyons, c'est la Saint-Valentin. Je ne sais pas si c'est un bar à pute. Je ne sais pas si elles le sont, mais bon, après. C'est... Il a beau enchaîner les caméos, j'ai l'impression que Pakistani ne vieillit pas. Mais malheureusement, il vieillit vraiment. Et voilà. Oui. Ça risque d'arriver un jour que le problème c'est qu'à chaque nouveau caméo on est super content mais que voilà on va arriver bientôt à un moment où ça va être une triste réalité mais ça sera peut-être le dernier et... oui malheureusement voilà. Mais super, là oui c'est un des meilleurs qu'il ait pu faire. Ah bah oui c'est parfait avec le film et c'est pas le seul aussi à faire des caméos. J'ai lu un article parce il y a Rob Liefeld, je l'ai pas reconnu, mais oui il y a le créateur du personnage. Bah oui il y a eu plusieurs fois, même le nom de... Bah, son nom est cité plusieurs fois, aussi dans le bar. Et plusieurs fois son nom, et on le voit, oui, on le voit. On va peut-être conclure en parlant de la scène post-générique. Les scènes post-génériques, j'allais le dire, justement, la scène post-générique trollée par la Fox, qui nous dit qu'il y en a deux. Effectivement, il y a un écran noir entre les deux passages. Mais en fait, c'est pas... Donc, il y a deux scènes. Je me suis dit, mais Arnaud, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y a deux scènes post-génériques. Ah, c'est ce qu'ils avaient dit. Techniquement, il y en a deux, puisqu'il y a, elle s'arrête, il y a autre chose, un écran noir et un texte qui apparaît, et après il revient, mais ça dure quelques secondes, quoi. Mais ouais, techniquement, elles sont deux, effectivement. Bah, c'est ce qu'on, enfin, moi, j'ai pas été surpris par cette scène, parce que c'est exactement ce que j'attendais. Le mec, mais pourquoi t'es encore là? Mais ça m'a fait rire. J'ai pas été surpris, ça m'avait sourire de le voir en peignoir et compagnie, mais j'ai pas été surpris. Ce qui m'a surpris par contre, c'est l'officialisation du Deadpool 2 et de Cable et de Keira Knightley. Ah, c'était la meilleure. tellement beau. Moi je la veux maintenant. Quoi. Je la veux dans le film. Keira Knightley, quoi. Ah, et là, tu vois, il risque d'avoir une apparition de Keira Knightley. Hein, ça serait cool. Ça serait cool que les trois qu'il a cités, on voit au moins leur tronche à un moment. Ça va être dur quand même pour Samuel Jackson. Ça peut être une photo, hein. Bah oui. Il a bien cité Batman et Robin. Puis il a cité Liam Neeson aussi. Oui, c'était énorme, Liam Neeson. Il lui a enlevé sa fille et il est pas d'accord. Non, je pense que c'est pas exclu. Parce que Samuel L. Jackson, il a joué aussi dans Kingsman. Le problème de licence, ça pose problème. Le problème... Qu'il fasse pas chier, tout ce qu'il fait depuis. Enfin, concrètement, si on additionne toutes ses apparitions dans tous les films Marvel plus Agents of S.H.I.E.L.D., il est apparu à peine une demi-heure à l'écran, alors il peut bien faire deux minutes mais de après, dans un Deadpool. On peut voir Samuel L. Jackson sans voir. Ouais, mais le problème, c'est que c'est la Fox, et d'un côté, c'est la Fox, et de l'autre côté, c'est Marvel Studios. C'est alors, il a pas signé un contrat d'exclusivité avec Marvel Studios. Mais son personnage, si. Ah oui, on l'a pas dit, il est de jouer. Oui, il peut venir en tant que Samuel Jackson. Ah, c'est pas faux. Nous allons donc passer à la suite, n'est-ce pas? Donc voilà, Deadpool 2 avec un Cable. Très bien. Attendons Cable en espérant que ça soit un peu mieux que Colossus. c'est tout ce qu'on peut dire. Et puis ce générique final quand même avec la licorne. Et son arc-en-ciel. C'est quand même quelque chose que cette passage de la licorne. Le petit clin d'œil à Spider-Man quand même aussi, hein, dans le coin en haut à droite, quand il descend, hein, pose iconique avec la toile. Et puis voilà, bah évidemment, les petits mots bandante, voilà. Bandante, super bandante. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment cru à un moment qu'il devait avoir une grosse référence Spider-Man dans le film, notamment quand il attend dans la ruelle, là, il pleut, où est-ce enlevé. Oui, mais dans les ruelles, il pleut toujours. Ça faisait penser à un moment aussi, pareil, il dit, je sais plus, tu t'es fait piquer par une bestiole radioactive ou un truc comme ça. Ouais, mais si, quand il parle à... Quand il a embroché Francis sur le pont. Oui. Ouais, il dit bah qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit bah je me suis fait piquer par un chien radioactif ou un truc comme ça. Oui, non, mais de toute façon des clins d'œil, il y en a tellement dans tout le film. Ouais. On va terminer la note. Il faut en passer par là. Arnaud sur 5, hein, toujours. Bah 4. Clément. 4. Irish. La première fois c'était 4,5, mais la deuxième 4. Dans l'ensemble 4. Léo. Idem 4. Et bien décidément, vous êtes un raz-de-marée de 4. Elodie aussi met 4. Elodie met 4 aussi. Alors, moi, la première fois, ça aurait été un bon 4 aussi. La deuxième, un 3,5, on va dire, et encore. Mais je vais rester sur cette première impression. Je vais dire 4 comme tout le monde. Voilà, parce que ça donne un bon coup de pied au cul dans les adaptations de comics. Maintenant, j'ai plutôt peur pour la suite. Ce gros succès m'inquiète plus qu'autre chose. Mais après, on verra. On n'y est pas encore. On peut espérer que Ryan Reynolds garde autant de vigueur et d'énergie pour défendre le projet et pour en faire... Il a dit en interview qu'il souhaitait un film X-Force, surtout, que c'était sa priorité. Oui, voilà. Bah, c'est la seule façon pour que le personnage soit viable, hein, je pense, quand même. Je pense qu'il a bien compris qu'effectivement, tout seul, ça n'allait pas fonctionner éternellement, qu'il fallait le mettre vite avec quelqu'un dans un contexte d'équipe. Et oui, effectivement, peut-être Cable et Deadpool et après X-Force. Ça serait une logique plutôt bonne. Parce que de toute dans le film, il parle de trilogie. Donc, voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On n'a pas parlé quand il traque avec son pote et il dit c'est parti pour une trilogie. Ou c'est parti. En français, c'est parti pour une franchise. Mais en anglais. C'est trilogie en français. C'est trilogie en français. Oui, pardon. En anglais, c'est parti pour une franchise. D'accord. En français, ils disent c'est parti pour une trilogie. Donc voilà, à suivre. Voilà. En tout cas. Un truc dont je voulais parler, genre deux secondes, c'est la promo autour du film. Est-ce que. Enfin, comme moi, ça vous a pas un peu gavé parfois? C'était tellement omniprésent, tellement de trucs, tellement pour dire, regardez, vous amène un truc nouveau, regardez Saint-Valentin, regardez ceci, regardez cela. Parfois, c'était too much. C'est bon, à un moment, on avait compris quoi. Ça m'a gavé si c'était planté. Ouais. Voilà, pareil, ça m'a pas gavé, mais ça m'a plutôt inquiété justement sur le film. J'avais peur que justement, ils mettent tout l'accent sur la promo et qu'à côté, le film déçoive. Et ça n'a pas été le cas, donc la promo m'a pas dérangé. Une partie des sous qu'ils ont gaspillé dans la promo aurait pu être mis dans le film. Parfois, en effet, comme tu dis, Irish, ils ont beaucoup mis les scènes d'action en avant. Et puis, moi, j'avais l'impression d'être tout le temps entouré d'affiches Deadpool. Alors oui, c'est vrai que ça aurait pu préjuger de la qualité du film, ça aurait pu en effet être inquiétant. Donc voilà, bon, ça n'a pas été le cas, en tout cas pour ce qu'on en a pensé. Mais voilà, quoi, ils en ont fait beaucoup. Je veux dire, ouais. Ok, c'est cool, c'est sympa, mais... Parce qu'ils jouaient gros sur le film. Oui, mais on a traqué la pub. Vraiment plus. Ils voient pas vraiment gros vu la quantité, vu les sommes engagées. C'était pas non plus. Bah non, mais si le film s'était planté, ça aurait été un échec supplémentaire pour leur franchise Marvel. Avec le Fantastic Four qui fonctionne pas, si Deadpool fonctionne pas, il ne reste plus que les X-Men. Ouais, après, on aurait un petit peu. Si c'était vraiment, si c'est vraiment cette idée-là, ils auraient mis beaucoup plus d'argent, quoi. Il y avait peu de chances que ça se plante. C'est effectivement assez incroyable. Ah, si, ils avaient peur que ça se plante parce que le film était interdit aux moins de 17 ans. Oui, non, bon. J'ai l'impression que c'était juste un petit pari à côté. Voilà, pourquoi pas. Pour moi, c'était fait pour marcher. À ce point-là, non, personne ne pouvait s'y attendre, je pense. Mais c'est un film qui était destiné à fonctionner de toute façon. Donc, marketing à ce point-là ou pas, Bref, nous allons maintenant conclure. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, de quoi on va vous parler? On va vous faire le mag, évidemment, mardi prochain. Et puis, la série, l'œuvre au programme la semaine prochaine dans Sur nos écrans, c'est Lucifer. Petite descente aux enfers pour Sur nos écrans. On va voir ce que ça donne sur les premiers épisodes. On sera, à mon avis, pas aussi enjoué que Deadpool, mais on verra. Et dimanche, pour les amateurs de Deadpool ou pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur le personnage et surtout qui ont envie de voir que c'est un personnage beaucoup plus riche et beaucoup plus profond que ce qu'on nous a présenté dans le film, Comic Stories vous présente Deadpool version comics, donc de sa naissance à aujourd'hui, voilà, quel est son parcours, quelles sont ses plus grandes histoires, etc. Ça, c'est pour ce week-end. D'ici là, bon film pour ceux qui voudront le revoir, bonne série, et à bientôt. Salut. Salut. In the truth.